2Z. Double X on the track. Tant mieux si t'as un trop gros boule. J'ai le permis camion, hey. Elle a 100 millilitres de liquide dans la culotte. Elle peut même plus prendre l'avion, hey. Si tu me cherches, ne sois pas bête. Tape mon blas sur ta tablette. Je serai 9 mm. Tu ne seras plus donc fuck Hamlet. Je t'ai eu, tu le sais, skinny. Désolé ma belle. Si c'est pour me dire que c'est fini, t'aurais pu me le dire au fontel. Si t'es une puta, si t'es un teurement. Car au débordement, débordement, débordement, j'fais une chicha, boutement. J'garde le comportement, comportement, comportement. J'suis dans l'avion de Pablo. Je plane. Tu m'allumes comme un bédo. T'es ma flamme. J'brille comme un bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling. Sur le toit du building. Pas venu faire de style, j'ai des frères de lait, j'ai des frères de sky. Je n'ai personne en face qui me fait baliser. Aucun rêve que mon arme ne puisse réaliser. Tu crois que le succès m'égare, faut jamais t'as tort. J'garde tous mes réflexes, même quand le métal dort. Redis-moi ce qu'on fait, une tournée complète, un tapin de compète, une pute médaille d'or. Sai Sai de Dakar, brosson patigeant. Chiriki d'Alger, Nouchi d'Abidjan. Se lien sac de congé, cellophane aluminium. L'empire du 9-3, multiplatinium. Tête de scum copé. Et même les anges tous, pas sec de Kobe. J'préfère qu'on mange tous, j'poche le train 40. J'garde le courant stable, je préfère ma rente. Qu'est-ce que j'suis dans la zone à Pablo. Je plane. Tu m'allumes comme un bédo. T'es ma flamme. J'brille comme un bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling. Sur le toit du building. Sous, j'ai plus le temps pour les embrouilles de quartier. Mon fils a quelques mois porte du Balmain Gucci Versace. Si tu savais comment j'ai trimé pour en arriver là, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas ma villa sur la French Rivera. La goulée tard la night, ouais je drive. Et la mitraillette est yougoslave. 35 ans pour 1002, c'est grave. Travailler pour l'État, c'est être esclave. J'ai un tour d'avance et pense que je suis en retard. Je leur mets des films goût comme le peur fouettard. On achète ton père, ta mère, ton frère, ta soeur avec les sous du Pablo. Je plane. Tu m'allumes comme un bédo. T'es ma flamme. Je brille comme un bling bling bling bling bling bling bling bling bling. Sur le toit du pays.